my Dropbox, let's go. And my Dropbox, my Dropbox. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la Trap House. Je suis très content de vous retrouver cette semaine. C'est Elliot et je suis, comme d'habitude, accompagné de Dylan. Hello tout le monde. De Roman. Salut à tous. Et de Hugo. Salut. Cette semaine, c'est quoi le programme ? On va commencer par les actus, comme d'habitude. Yes. Après, on va parler du sampling et des samples dans le rap. Ça va être très intéressant. On a développé un petit jeu autour de ça, donc ça va être très sympa. Après, on va se faire un petit Roland Gamos, comme d'habitude. Hugo va nous faire une chronique sur Bushy et on terminera par un débat, tout ça parsemé de petits blind tests comme d'habitude. Et pour commencer, on s'envoie Uranus de PNL avant les actus. A tout de suite. Et gauche dans la ville, et gauche dans la villa. Tout ça c'est pas l'avenir. M'attache pas à cette ville-là. Et pourquoi se mentir? Ce présent n'est qu'un mirage. J'ai pas dit bismillah. J'perds la foi comme un minable. J'm'attache pas à mes ailes. Je fly comme fils de dollar. J'attends le cœur ouvert. Sentiment en retard. Payant comme une vue sur la mer. As-tu comme une vue sur Uranus? Un coup de pression pour effacer ton charisme et resserrer ton anus. Je reprends Goa, la vie, oseille, accrue. La nuit elle trompe le soleil, le jour elle trompe la lune. La gloire en haut, mon cœur ne bat plus qu'en bas. Avance, on t'oublie pas, on te remplace pas. Mon cœur ne sera pas toujours vide, toujours vide, toujours vide, toujours vide. Et par le soir je traîne en entendant ma peine se transforme en haine. Comme papa, je veux qu'il nous craigne, je veux qu'il nous craigne, je veux qu'il nous craigne. Je voulais le monde aujourd'hui, je veux jongler avec. Demain je pisse dessus et je pars son Amérique. Je suis qu'un homme, je kick comme un extraterrestre. Jusqu'à lâcher la dalle, je te laisse pas mes restes. Te demande pas pourquoi les billets on aime câliner. Et pourtant même au reste tu me verras jamais tapiner. Je t'abîme, m'abîme, je dois tout plier. Je suis jean de mon jean, je suis bousillé. Je crache tous mes sentiments sous le rocher. Si le rap paye plus, je te dis buena noche. La vie c'est tard, l'oseille nous libère. La paix on la préfère, on a connu la guerre. Perdu sur la terre, mille œufs sous la paire. Chez moi le maire, et le nerf de la guerre. Enda comme mon sourire à l'envers. Mon sourire à l'envers. Pas de héros, héros. Apparemment le monde est d'art. Je l'ai dans le viseur, frérot, frérot. Rien d'alarmant. Tant que les miens sont pisseux. La lune ne sera pas toujours pleine, toujours pleine, toujours pleine, toujours pleine. Mon cœur ne sera pas toujours vide, toujours vide, toujours vide, toujours vide. Et par le soir je traîne en entendant ma peine se transforme en haine. On a bien plané pour le début d'émission. Merci à PNL, merci pour Uranus, c'était très très lourd. On va tout de suite partir sur les actus de la semaine. Pour commencer, on va parler d'un petit fait divers assez marrant qui s'est produit il y a très peu de temps. Lil Yachty a sorti un son qui a été très viral sur les réseaux, qui s'appelait Poland, et il a été récemment invité par le premier ministre polonais en Pologne, donc c'était très sympa, assez insolite. C'est un petit délire. Voilà, c'est vraiment un petit délire. On vous passe tout de suite un petit extrait du son. Je reprends le micro pour vous parler des projets de la semaine. Alors en projet dans le rap français, on a tout d'abord Afro-S qui nous a sorti son projet Bleu Magique et on se passe tout de suite un extrait de Basic Afro en feat avec Bucci. J'suis avec Afro-S, Bushido Afro Samouraï. Ma bitch me dit faut que je m'en aille. J'ai calmé sa crise avec un peu de maille. T'iras pas loin si t'as pas les basiques. Devant le micro on voit que des classiques. Pas d'abus de luxe, j'arrive en Asie. Coucou tout ça c'est pas de la magie. J'suis à Pantin, j'suis dans le studio, j'règle. Y'a que la Cali que je pète. J'ai quelques milliers sur TikTok, toc, c'est le bif qui toque à la porte. Petit banger, je vous laisserai écouter le son en entier si vous le désirez. D'ailleurs, on retrouve aussi sur le projet un feat avec Freeze. Sinon, on a Souffrance qui nous a sorti son projet Tour de Magie. On retrouve dessus Prince Wally ou encore Lims Adolney. 404 Billy nous a sorti un EP qui s'appelle BLK Van Gogh et on se met tout de suite un extrait de Je fais le bilan calmement. Et d'ailleurs, petit mot sur l'EP de 404 Billy, j'ai écouté, c'est très rap, ça rappe ouais, sur 400, c'est énervé, hein. Insane. Le projet est insane. On vous laisse écouter. C'est parti. J'arrive en pyromane. J'arrive en Dracarys, ça nous regarde pas, les histoires de l'ex-femme à Caris. L'industrie veut me travestir, je réagis pas à ses combines. Je fais pas du rap pour que ma meuf fasse écouter à ses copines. Tu trouves que je change trop de style, et tu crois que c'est fini, t'as pas compris. 404 erreurs, j'ai pas de style défini. Faut faire tout et tout de suite, j'ai retenu la leçon. Je devais fit avec Nekfeu et Damso sur le même son. Vous avez des bons petits flows, des bons petits lyrics, mais je peux pas vous prendre au sérieux. Alors j'avoue que j'ai pas du tout écouté l'EP, mais là, avec ce que tu viens de dire, Dylan, et le petit extrait, ça me donne bien envie. Il devait faire un petit feat avec Damso. Et Nekfeu. Mais Damso, il est sorti, il s'appelle RVRE. Ah, c'est celui-là. Ouais, il y avait même un clip à l'ancienne, j'ai regardé hier, il est plus dispo sur YouTube. Ah ouais, c'est... j'ai rien vu, rien entendu. Je sais pas s'il y a eu beef ou quoi. Je pense pas, mais il est plus dispo. Bizarre. Ouais, c'est vrai, bizarre. Non, moi je connaissais le son, mais je pensais qu'il parlait d'un son qui était pas sorti, c'est pour ça. Okay. Bah, je pense qu'il parle d'un son qui est pas sorti. Ouais. On continue avec les projets US ou UK, avec d'abord l'EP de Central Cee, No More Leaks. Et on se met tout de suite un extrait de l'intro du projet Chapters. C'est parti. Some of these guys just bad on a desktop, trying to bring on a network. Me and Elizabeth still in a wedlock, I don't know what them guys upset for. How can I not shit on my doorstep, somebody smoking next door. Zeds were white like Parmesan and the boxes green like pesto. Pasta, family first, the money comes second, the rest don't matter. They think that I came out quick, they don't know about the rest of the chapters. I'm from where the jack boys active, don't sleep with your window open. Central C, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus à l'aise et qu'il nous sort petit banger sur petit banger, ça marche très fort pour lui en ce moment. Exactement, c'est assez ouf. En plus, ça rentre dans le thème d'aujourd'hui qui est le sample. C'est très très fort sur les samples sur lesquels il pose. C'est vraiment cool. Ça rentre super super bien. Voilà. Et dernière actu en projet, on a Lil Baby qui nous a sorti It's Only Me, des feats avec Nardo Wick, Young Thug ou encore Future. C'était tout pour moi, Dylan, je te laisse parler des singles. Merci beaucoup, Elliot. Donc, au niveau des singles, on a eu 4 singles, on va dire, qu'on a pas mal appréciés. On a eu tout d'abord Booba, qui est revenu avec un single qui s'appelle Koa. Et surtout, Favé, qui est un artiste qu'on aime tous ici. Et entourage apprécie beaucoup aussi cet artiste. On va passer un extrait de Urus tout de suite. C'est énorme son. Notre petit chouchou. Voilà. Toi, si tu veux partir, bah je te laisse tailler. Les basses à fond, même font kiffer la mélodie. T'as voulu me prendre pour un con, j't'avais rodave, mais j'te l'avais pas dit. Sur qui comptait, j'ai vu des fois, y'en a des dizaines. Il m'arrive que des galères en ce moment, l'impression que je suis maudit. Bad bitch, voudrait qu'on s'accorde, que je m'occupe de son corps. Trop de choses qui passent avant toi, déjà faudrait qu'on s'en sorte. Bad bitch, voudrait qu'on s'accorde, que je m'occupe de son corps. Trop de choses qui passent avant toi, déjà faudrait qu'on s'en sorte. Les crocs, je veux manger, c'est mort, j'occupe pas devant le danger. Je me pète le bitch, fais du gratte et mon reflet, direct moi je te donne congé. J'tudo, j'règle pour survivre, donc toi viens même pas me parler congé. Fuck un schmitt, fuck un keuf qui réveille ma daronne, gros fuck les condés. Je veux du roro, pas de bénévolat sur Paris, y'a des sous à faire. Un moment que je suis prêt pour le décollage, bosse à fond, faut pas que je me perde. Y'a des moments, y'a moins d'envie, par moments je me ressens moins vivre. J'ai tellement gratté le fond de mes... incroyable. Hein. Alors là, je pense qu'on peut le dire, mais GG Favé. Ah là, gros, énorme GG. J'ai adoré le son. Et si c'était le son de l'année finalement ? Attention, on verra, on en reparlera. Ensuite, Impliqué 140 est revenu avec son nouveau son No Lakin, c'est très fort. Stavo a sorti un feat avec Zed, les deux membres du 13 sont revenus en force, c'est très très lourd. On vous laisse écouter ça tout de suite. Produit au détail, milligramme, milligramme de cumé, de meurtre, de bécane, de bécane. Michigan, Michigan, Michigan, reçois fantôme, Michigan. Ranger évoque Michigan, Ranger fantôme, Michigan, Michigan. Produit au détail, milligramme, milligramme, illégal, illégal de cumé, de bécane. Les bails illégales de cumé, de bécane, de cumé, de bécane, illégal, illégal. Produit au détail, milligramme, milligramme, illégal, illégal de cumé, de bécane. Les bails illégales de cumé, de bécane, de cumé, de bécane. Voilà, c'était tout pour les singles qui sont sortis cette semaine. On retrouve aussi à la fin de la semaine, donc ce vendredi, le nouvel album de Rap Plume, donc qui était prévu il y a déjà plus d'un mois. Les précommandes ont été lancées. On se trouve à des feats avec Captain Roshi, avec Edge, Gil Montana, Zamdan. Zamdan. Zamdan, je sais pas s'il est dedans au final. Si, si, il me semble que si. Ouais, ouais. Ouais. Vu qu'il n'y a plus Louvrezval, ils ont refait un son avec Zamdan. C'est genre leur dernier son. Ok, ok. Un petit fait aussi un peu cool qui nous ravit tous. Alpha One feat Kekra très prochainement. Mais non. Ah, ça c'est... On a entendu un extrait sur Twitter. Je jure, je suis trop content. Hugo est archi choqué. Archi content de cette nouvelle. Ça m'a fait. Merci de donner des feats Kekra. Ah oui, oui, merci beaucoup pour ces nouvelles. C'est très sympa. Pour clôturer les actus, quand même, Karim Benzema, Ballon d'Or. Ah, faut en parler quand même. Sacré rappeur, Karim Benzema. Non. GG à lui. Bravo. Bravo, bravo. Non, franchement, bravo. Petit délire. C'est... Gros GG Benzema. Comme a dit Benzema, c'est le Ballon d'Or du peuple. Voilà. Oui, et ça c'est beau. Voilà, Éternel c'est... et le Nouévé. Voilà, exactement. Non, le charbon. Exactement. Ok, et bah. Oh là là. C'est parti pour le petit blind test. Alors, je vous rappelle rapidement ce que c'est les blind tests de Freaky avant de commencer. En gros, on va lancer un son au hasard dans une playlist qu'on a en commun, qui contient des sons qu'on écoute un peu tous. Celui qui trouve quels sont ces marque un point, et celui qui a le plus de points à la fin de l'émission a le droit de mettre le son qu'il veut pour clôturer l'émission. Voilà, les petits freaky comme ça vont arriver plusieurs fois dans l'émission. Dylan, je te laisse lancer le premier blind test. Et bah c'est parti, je lance le son, je ne regarde pas. Je tryhard. Ok, c'est parti. Je connais pas. Ah. Ok. Nick Moula, non. C'est pas le nom du son. Ah, c'est lequel ? J'arrive tout en noir, une clope au bec. Est-ce que vous avez. J'ai pas le titre avec les tout. Ah, je l'ai pas là. J'ai pas le titre. Moi non plus, j'ai pas le titre. Aïe aïe aïe, ça va changer. Ok, bah c'est parti. Ok, son suivant. Le son, c'est pas ralentir. Ok, c'est parti pour le suivant. C'est Bushy, c'est guérison. C'est pas du tout Bushy. J'écoute ça toute la journée. Comment je peux me tromper sans déconner? Bravo, bravo. Oh là là. C'était Guérison de Esso la Lune, qui est un son qu'on a tous saigné ici. On écoute vraiment pour le bien. J'ai la tête solide, mais j'ai aussi des ennemis qui zonent dans la vie. Mon verre se vide et je pense à quand j'étais dans. Merci Tsuki aka Esso la Lune, évidemment. Ça fait un point pour Hugo, je pense. Exactement. Est-ce que vous voulez qu'on en lance un deuxième, les mecs? Alors moi, je suis archi chaud. Allez-y. Okay. il avait pas trop envie. Hugo, il a pas très envie. Il a marqué un point, il veut pas qu'on lui pique un point. Il avait pas je veux passer un son. Ok, c'est parti. C'est Gazo, c'est un trop fort. On l'a pas déjà eu une fois? Si, d'ailleurs, on l'a eu la semaine dernière. Je suis vraiment nul en blind test, ça me frustre. Il y a eu égalité, je dirais, entre moi et Roman. De ce que j'ai vu. Vous en pensez quoi, les gars? Vous voulez, n'importe quoi. Lui, il s'en fout, il a coffré ses points. Il s'en fout. Je suis bien là. Ok, c'est parti. Chocolat Moda. GG. Ah, voilà. Voilà. Là, c'est net, c'est propre. Bravo, bravo. Donc, ça fait un point pour Hugo et un point pour Roman. Bravo, les mecs. GG. Bravo, les mecs. Eh bien, on va maintenant passer au sujet de la semaine qui sont les samples dans le rap. Mais juste avant ça, on va s'envoyer 3 mics de Prince Wally, TEDx Max et Infinite sur la mixtape de Terra Upo. C'est parti. Je boule à l'aéroport de Paris Orly. Si alerte à Wally, boum, full camp Wally Forny. Hôtesse de l'air que des Perry Ali Only. Elle est horny, mais je reste focus. On s'est réapproprié vos champs de coton. On a le change, nouveaux vêtements, on sent le pognon. N'est pas l'étonné si ton fils me ressemble, négro. Elle voulait absolument qu'il porte mon nom. J'ai toujours pas le Mercedes, merde c'est décevant. Le vent tourne négro et les paires de fesses se vendent plus rapidement que menu McDo ou poulet frit à Noël chez les Asiatiques. Faux négros comme les prostituées, passe de Jean-Jean pour le Jean-Jean. Je vais me soulager du balcon. Après le beau temps vers la pluie, négro, ici le temps échange. J'ai même pas la moyenne d'âge quand y'a OG dans les barrages. 3 mic, lyrical carnage. Que des outrages dans le carnet, on n'est pas venu vous carna. Les gens d'incarné, on fait le taf comme les 3 mic. J'ai même pas la moyenne d'âge quand y'a OG dans les barrages. 3 mic, lyrical carnage. Que des outrages dans le carnet, on n'est pas venu vous carna. Les gens d'incarné, on fait le taf comme les 3 mic. Le Bieber, les jeux people, je veux le paper, pas être people. Trop élevé, bientôt nos clips sur ESPN. Ils veulent le trône, je suis sur mon siège. Calcule pas leur ciné, j'applique mes consignes. Et de la lotion sur mes sneakers. Je grave mon blaze et colle des stickers. Sur côté A3, on change les pronostics. Je roule un stick. Je suis dans ma ride comme à Long Beach. Pas de signe de gang en Carhartt. CG sont mes OG. Inaudible, du mal à distinguer leur son d'une parodie. Par en vrille, appelle-moi Prodigy. Sur l'approche, par en drill. Parle-moi monnaie au dollar bill. La bif fait pas le moine, mais le noir fait le drip. Échange au parloir comme Perlin et son fils. Pour les bénéfices, nombreux sont les refrains qui font du hors-piste. Ça vend des 10, pas de salaire fixe. Pour plonger sur bitume, tu trouveras pas de moment propice. Je demande pas la moyenne d'âge quand y'a OG dans les barrages. 3 mic, lyrical carnage. Que des outrages dans le carnet, on n'est pas venu vous carna. Les gens d'incarné, on fait le taf comme les 3 mic. Je demande pas la moyenne d'âge quand y'a OG dans les barrages. 3 mic, lyrical carnage. Que des outrages dans le carnet, on n'est pas venu vous carna. Les gens d'incarné, on fait le taf comme les 3 mic. Pour l'assassin de Michael ou celle de Prince. Le téléphone borne sur la scène de crime. S'ils nous veulent, faut qu'ils mettent le prix. Pour que je sorte de la Benz grise, la bouche pleine de grills. Ils font les fous mais sont trop queuses. Veulent moins les sous que le gros bus. La mélodie de la scie sauteuse. Tu disparais comme une joggeuse. Je rentre dans l'établissement, ça devient mon établissement. Je te fouette et je te souhaite pas bon rétablissement. Je veux pas des aides jusque les ennemis décèdent. 100% des aides, je vends des rayures à des aides. Les chemises nous collent aux fesses pendant qu'on colle aux pèses. Le cerveau d'Elon Musk, le corps à Joe Lopez. INF. Les uns sont moins BFM que BMF. Demande pas la moyenne d'âge quand y'a OG dans les barrages. 3 mic, lyrical carnage. Que des outrages dans le carnet, on n'est pas venu vous carna. Les gens d'incarné, on fait le taf comme les 3 mic. Demande pas la moyenne d'âge quand y'a OG dans les barrages. 3 mic, lyrical carnage. Que des outrages dans le carnet, on n'est pas venu vous carna. Les gens d'incarné, on fait le taf comme les 3 mic. Ok, de retour, on se retrouve pour le sujet de la semaine qui est les samples et le sampling dans le rap. Et je vais commencer, je vais prendre le micro pour vous donner une petite définition et vous en parler un petit peu. Donc sampler quelque chose, qu'est-ce que c'est ? Et bah c'est tout simplement prendre un bout d'une musique qui existe déjà et faire une nouvelle instrumentale avec un nouveau beat. En français, ça s'appelle tout simplement l'échantillonnage. Le sampling, c'est le mot anglais. Alors pourquoi sampler ? Pourquoi les artistes prennent des bouts d'autres musiques et en font des prods pour eux-mêmes ? Ça peut être par exemple pour mettre en avant nos inspirations, ou les sons qu'on aime, ou pour rendre hommage aux artistes qu'on apprécie. Ce à quoi il faut faire très attention avec le sampling, c'est le plagiat. On peut très vite être accusé de plagiat quand on copie une partie d'une musique, et donc comment pallier à ça ? Soit il faut utiliser des sons qui sont dans le domaine public, donc l'artiste est mort il y a plus de 70 ans et on peut utiliser son art. Ou alors il faut avoir une autorisation du détenteur des droits du son qu'on utilise pour faire un sample. Exactement. Voilà. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Nous, on a imaginé un petit jeu autour de ça pour essayer de vous imager, de vous expliquer ce que c'est que les samples. Donc on a tous choisi deux samples et les deux sons de rap qui utilisent ces samples. On va chacun notre tour diffuser le sample et les autres vont devoir deviner quels sont à sampler ça. Si on trouve, on marque un point. Et si on trouve le nom du sample, on marque aussi un point. Alors là, avant de trouver le nom du sample, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Celui qui trouve est très très chaud, mais on va voir. On a téléchargé tous nos samples et nos sons qu'on a renommés. Comme ça, les titres n'apparaissent pas. Voilà, c'est anonyme. Dylan va les lancer et ça va commencer. Je vous propose qu'on commence avec mon premier sample et que vous deviniez quels sont à utiliser ce sample. Tout à fait. Ok. C'est parti. C'est parti les gars. Je l'ai hein. A-t-il ? C'est un son de Favé. D'accord. C'est un son de Favé. Ah ouais ? Est-ce que c'est pas Mercedes ? Non. Sommet. C'est Sommet de Favé. Oh là là, ok. Bien joué. Et avant Favé, quelqu'un d'autre de bien plus connu l'a utilisé pour un son bien plus connu en rap US. Qui c'est? Kanye West. Non. Jay-Z. 50 Cent. Non, non. Le son est très très connu. Attends, je l'ai pas. Ouais, genre au début du lycée, on devait écouter ça. Enfin, moi j'écoutais ça et je pense que ça tournait pas mal. Moi j'ai pas du tout. Oh, je dis tout. C'est Exchange de Bryson Tyler. Ah, mais oui. Oh, c'est ce sample là aussi. Okay. Ah, et est-ce que quelqu'un connaît le sample? Non, pas du tout. Non plus. C'est Swing My Way de KP et Envy. Voilà. Ok, ok. Et Dylan, si t'es chaud, mets-nous un petit extrait de Sommet de Favé. C'est parti. Qu'on puisse réaliser. C'est Bryson Tyler sur cet extrait. Donc c'est la voix du début qui a été samplée. Du yes. This what happened when I think about you. Ooh. I get in my feelings, yeah. I start reminiscing, yeah. Voilà, voilà. Et on va écouter un petit extrait de Favé pour le plaisir. Oh, pour le kiff, hein. Mmh. On reconnaît la voix. La douceur. Tous les jours c'est la même, j'ai le train de vider collier, je me lève à 7h du sport pour de la taille. J'écris des phases au lieu de relire dans mes cahiers, j'encule. Et bah parfait, merci Elliot. Donc je t'en prie. C'est un point pour Hugo, encore une fois. Décidé. C'est vrai, il est Hugo, Hugo est infernal. Hein. J'ai bien dormi. Il est infernal. C'est vrai ça. Maintenant c'est à ton tour, Hugo, de nous faire passer un petit sample. On va se passer ton premier sample si t'es ok. Je te laisse envoyer ça, Big Dylan. Ok, c'est Made in Paris. 7 Days de Craig David. Ouais, c'est le sample de base. Et le son, c'est 7 Flows de Kukra. Ouais, 7 Flows de Kukra. Wow. Disponible sur YouTube. Alors là, masterclass, Roman. Hein. Bravo. Ok, ok. Félicitations. Non, Roman, c'est merci, merci. Très fort. Hein. Bien joué, mon bro. On connaît nos classiques. On va écouter le son de base. Donc, le son, je veux dire, qui a ressemblé ça, c'est quoi? 7 Flows de Kukra. Ok, c'est parti. Donc, c'est la même mélodie. Ok. Leur inspire, j'ai dans le slip, j'fais un gosse à la cabine. Frère au show, mais c'est la vie, fais le job comme tsunami. J'ai le style de... C'est très fort, hein. Ouais, ouais, t'écouteras ça. C'est vraiment cool, hein. C'est à Roman, je crois, ouais, de nous passer son petit sample. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est à 7 de SF. Ouais. Let's go. Wow. GG. Alors par contre, je connais pas le nom du sample. Ouais, c'est compliqué, hein. Alors ça c'est un classique du rap français pour moi. Ah oui. Énorme classique. Énorme classique. Pour moi, A7, je pense qu'il frôle le top 1, ou s'il l'est pas, top 1 rap français pour moi. Ah ouais, ouais. Ah ouais. L'album ou le son? Ouais, ouais, l'album. Ah le ouais. Projet, ouais, c'est ouais. Gros projet, hein. L'album pour moi, mais... c'est un indétrônable rap français pour moi. Et du coup, le sample c'est Danyova Maika du Mystère des voix bulgares. Ok. Incroyable. C'est des chants bulgares. Ouais. Incroyable. Et pour le son de base, enfin le son qui a ressemblé les voix, c'est A7 DCH. Un prop de Guilty, Captain Squad. Je recherche mes lémés. Là, je gorge du rap sous mon gilet. Non, bravo. Alors là, c'est très fort. Non, non, non. Énorme. Donc ça fait un point pour Hugo, si je me trompe pas. Un point pour Elliot, mm-hmm. 2 points pour Roman. Et moi, c'est ça. Je suis très mauvais. C'est l'heure de ton sample, mon petit Exactement. Dylan. Donc je vais vous passer un petit truc bien c'est sympa. C'est parti. Allez. Bien sympa. C'est parti les bros. C'est Blue Kershak. Oui. Le son que t'as voulu montrer ou c'est... Mais il y en a un autre qui a très très très bien marché. Ouais, je sais. Ah bah attends, il y a... Et il y en a un, en a c'est un feat où il y a Gradure et... L'enfoiré. Ah oui, c'est vrai. Les c'est grosses moules. Ne reviens pas. Voilà, exactement. Ah ouais, okay, okay. Je l'ai vu hier en chercher. C'est vrai. Oh, j'ai oublié. Ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. Non. Let's go. Aïe, aïe, aïe. Si on m'avait dit que j'en arriverais là un jour. Gradure et l'enfoiré. Il va se faire remonter. Incroyable. Et bah, c'est parti. Pour un deuxième tour, on retourne du côté de chez Elliot qui va nous proposer son deuxième sample. Alors, ouais, mais si on va chez moi, ça va faire loin là. Ouais, c'est vrai, c'est 47 rue Voltaire, mon gars, c'est archi loin. c'est vrai, je pense qu'on va rester dans ce. On va rester ici et on va passer mon sample. Ouais, je pense que c'est mieux. Oui, allez, c'est parti. J'aime bien celui-là. Megatron Laylo. Exactement, West, ouais. Black Skinhead. Non. Le son de base? Non. C'est pas le son de base, du coup. C'est pas le son de base. Ouais. On sait que, ouais. C'est un truc plus vieux encore. Ok. Oh, le moi, je connais pas le truc de base. Le son de base, c'est Rock'n'Roll Part 2 de Gary Glitter. Okay. Voilà, c'est un truc bien ancien. J'étais très content d'entendre ça. Ça m'a direct rappelé Megatron. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, dans la rythmique. Mmh. Dans la rythmique, c'est du Megatron. Oh là là. Donc ouais, c'est bien ça. On retrouve bien la même rythmique. Bravo, bravo, c'est très fort. Bah, Hugo, ça te fait encore un point. Hein. 2 points pour Hugo. Mais Hugo, ah, plus. Hugo enchaîne, points, hein. Je crois. Ouais, il est sur les chapeaux. Ah non, t'as 3 points, Hugo. Bah, parce que t'as trouvé Eus l'Enfoiré et. Ah oui. Non, ah oui, mais vrai, j'ai pas dit le titre. Bah non, mais il a trouvé ouais, Kerchak, donc ça marche. Hein, moi je t'accorde un point. Ouais, ouais, ouais. Non, ça marche en plus. Donc 3, 2, 1, 0. Oui, bravo. Allez. Non, bravo. Hugo, je crois bien que c'est à ton tour encore une fois. Envoie-moi le sample 2. C'est parti. Let's go. Zola. Non, c'est HS de SH Hamza. Oh ouais, c'est un sample de Pusha T, Untouchable. Ok, incroyable. Waouh. Et HS de SH Hamza aussi. J'aurais jamais trouvé GG. J'ai reconnu la mélodie. Tu l'as retrouvé instantanément. Mais c'est vraiment avec la mélodie. Oui, oui. Vous êtes dit vos samples hier quand vous êtes rentré. Ouais, à mort. Vous avez triché. Ah, zéro triche. Non. Que du talent. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Non, du tout. Et là, c'est bien le son DCH et d'Amza HS. Quel son? Le même sample. On pense au projet commun qui est annulé. Eh oui. Ouais. RIP, le projet commun de DCH et d'Amza. On est un petit peu triste par ici. Roman, je te passe quel sample? Dis-moi tout. Vas-y, le troisième. Ok, c'est un peu plus de difficulté. Pour l'instant, on n'a pas un seul sample en commun. C'est vrai. On a tous choisi des samples différents. Vrai, c'est vrai. Ça me parle. C'est un truc du voyage. Là, vous avez trouvé le sample, mais pas le. Ouais. Le son de base, ça va être compliqué. Ouais, non, c'est un truc un peu underground, je crois. Ça me dit un truc. Moi, je connais. Ça me dit. Ah, moi, ça me parle, mais de fou. Mais genre. Ça, c'est genre le voyage de Chiro, peut-être. Non. Ou alors un Ghibli, mais. Non plus. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Ouais, on dirait trop. Est-ce que personne... Je donne ma langue au chat. Vous donnez votre langue au chat? C'est pas du Jean Jass? Non. Ok, vas-y alors. On va s'écouter le son. Moi, j'ai choisi de verlan LV1. Le GAV manque de quota que d'injustice. C'est du rap dans rien, ça. Ah oui. C'est, bah, du coup, c'est Carrie, c'est le sample, c'est l'OST de Tapion dans Dragon Ball Z. Waouh. Wow. Le film L'Attaque du Dragon. C'est super cool. Bien joué, ça. Vos samples. Cool. Ouais. Bah bravo. J'ai bien aimé. Je vais vous lancer tout de suite mon dernier sample. Le dernier des derniers. Voilà, dernier des derniers. Vous aurez sûrement tous la ref ou pas, je sais pas. On va voir ça. C'est parti. Ouais. J'ai l'impression qu'on a posé 1000 fois dessus. C'est vrai, il a été utilisé à plusieurs reprises, je crois. Ça me dit un truc. On dit ça comme si on avait une maison de disques et des studios, genre. Non, mais c'est vrai qu'il a été beaucoup, beaucoup utilisé, je pense, dans le rap français. Mais le son auquel je faisais référence quand j'ai choisi ce sample, c'était Chrissy, Folio et Sagogo. Mais oui, c'est sur vrai. Exactement. Ah ouais, c'était loin dans mon cerveau, ça. Oui, c'était ce son. Ok, oui. Tu traînes sur une barre et tous les hommes dans ce bar aperçoivent ton corps comme un trophée. Tristesse sur ton c'est visage, fort. Je vois quand tu côtoies plus âgés qui veulent te sauter. Mais dis-moi, et bah bravo les gars. Et bah j'ai beaucoup apprécié ce jeu. C'était très sympa. On n'a pas dit qui avait gagné. Je crois que c'est Hugo. Il y a pas 3-3. Il y a pas égalité. Bah je crois que ça fait égalité. Hein. Ah, GG. GG. GG. Serre la main. Voilà. Monique. Avant de clôturer, j'aimerais vous présenter 2-3 samples des plus connus pour terminer. On a pour commencer. Et non, j'ai pas le droit de parler. Non, t'as pas le droit. J'ai pas le droit de parler parce que Freaky intervient. Et c'est parti pour le blind test. Interlude Freaky. Attention, je vais encore tryhard, même si je suis très mauvais aujourd'hui. C'est parti. Allez. Impliqué. Nolakin, non. Ça me parle. Belek. Attends. T'en prends de Bangs Beats. J'ai pas bon. Mais ouais, c'est Nook. Ça, Roman. Ah, c'était Belek, ouais. Non, c'était. Nolakin Non, c'était le son avec Bangs Beats. Ok, ouais. Moi, j'ai entendu Bangs Beats. Ouais. Et c'est quoi le son? Le son, c'est Pablo Picasso. Ah oui, c'est celui-là. Et... Donc, je propose qu'on en relance un tout de suite. Ouais, je suis ça. Be slow when I'm working. Got vision in mind, so I'm marking the day my rise. That 2 in the morning. Ça, c'est un son UK de ma playlist et j'ai pas le titre, je suis dégoûté. Oh non. Je crois que j'ai déjà écouté ce mec-là. Le morceau me dit un truc. Moi aussi, ça me parle. C'est vraiment trop, trop doux. C'est quoi? C'est Nirvana fait par Kei Kuzi. Kei Kuzi, c'est l'artiste et son c'est Nirvana. Ok. Cool. Le son est lourd. Et je connaissais pas. Et bah les gars, je crois qu'on va partir sur aucun point. Aucun point, aucun oui, point. Parce que ça peut arriver, ça peut arriver. Ça va bien. On triche pas. Hein. Voilà, il y a pas de triche ici. Pas de triche. En direct. Voilà. Je reprends pour vous parler des samples très connus. J'avais envie de parler de Stronger de Kanye West. Évidemment. Qui est un sample des Daft Punk. De Harder, Better, Faster, Stronger. Qui est un classique dans le monde de la musique. Mais qui est en fait aussi un sample. Comme quoi, je te coupe, le oui. processus du sampling, sampling est infini. Quoi. Ah, oui, oui, oui. On peut sampler un son qui a ressemblé un autre et ça à l'infini. Et surtout, ça existe depuis 50 ans. Ah quoi. Oui, oui. Oui, oui. Bah oui, déjà à la base du DJing, ce qu'ils font les mecs avec les platines, c'était ça. Ils reprenaient des sons et puis ils faisaient leur truc. Quoi, avec. Et surtout, ce qu'on dit pas, c'est que ça marche super bien les samples. Par exemple, une oreille, elle connaît déjà la boucle, voilà. le son, et du coup, ça va faire un hit directement. On l'a vu avec tes sons de Central C. C'est vrai, ça parle très vite, et puis c'est une mode qui revient. Bah, ouais, surtout en ce moment. Bien, hein. Voilà, pour être actuel, dans la grille, etc. 808 McFlurry de Kerchak, qui est un sample de la foule d'Edith Piaf, qu'on avait passé la dernière fois. Et oui, Edith Piaf. Hein. Edith Piaf. Hein. Quand même. Il a samplé Edith Piaf, et ça passe très bien, c'est fort. Pour terminer. Il y avait XXXTentacion qui, pour Sad, pour le toum, toum, avait samplé le bip de sa voiture de quand il met pas sa ceinture. Exactement. Une Mercedes, il me semble. Voilà, c'est voilà. Tout du BMW. Ah, j'aurais plutôt dit BMW, moi. C'est du hasard. Voilà. C'était exactement ce son. Ah, voilà. Et c'est bel et bien un FX de BMW. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, jamais roulé en BM, du coup, j'en ai aucune idée. Mais... Bah, moi, j'avais vu la vidéo, moi non plus, okay. Je roule pas en BM. Ok. Et voilà, c'était tout pour ce petit sujet sur le sampling. J'ai trouvé ça super cool. Merci à vous. Ce petit jeu était très sympa. Avant d'enchaîner sur un petit Roland Gamos, je vous propose qu'on s'envoie Petit Sum de La Fève, qui est tiré de Empty the Bean 2. C'est des albums qui publient sur SoundCloud. Des sons qui lui restent, entre guillemets, sur les bras, qu'il n'a pas publié sur les plus grosses plateformes. Exact. C'est des petits nids à pépites. Et je trouve que Petit Sum en est une. C'est parti. La fève, il t'épanne. Chérie, je suis cruel, t'entraîne pas trop dans mes pattes. Poteau de l'amertume, tu peux en capter dans mes textes. La fève, il a trop zoné, frérot, c'est tout ce que la mif déteste. Faut une berline noire, Mercedes, Benz, coupé gros. J'peux même pas compter tous les liens qu'on a coupé gros. Poteau y'a pire que moi, mais la misère, on connaît ses habitudes. Si tu me cherches, tu peux me voir dans le studio, augmenter mes aptitudes. Ça sent le sapin, j't'ai vu nous chauffe, donc ça pas la pince. On prend tout derrière ce cache, mon frère, mais derrière ça le diable se cache. Je parle de vie dans mes textes parce que c'est l'ennemi qu'on a en commun. T'as dit qu'on était des frères, pourquoi tu ignores quand je tends la main? C'est l'autre qui avait raison, je vois le ciel à l'horizon. On rentre dans la soirée, frère, et l'atmosphère change dans la maison. Même souci, les mêmes saisons, pour être efficace, je fais le nécessaire. Jeune qui fait le dramaturge, je suis né le même jour que mes Césaires. Yeah. Tu te souviens de nous, qui sommes depuis qu'on est nés? Je te parle comme si j'étais l'aîné. La concurrence est le meilleur. Moi j'ai pas d'amour pour ceux qui juste qui parlent. Trop de serpents comme au Népal. Quand tu nous cherches, on est pas là. Tu te souviens de nous, qui sommes depuis qu'on est nés? Je te parle comme si j'étais l'aîné. La concurrence est le meilleur. Moi j'ai pas d'amour pour ceux qui juste qui parlent. Trop de serpents comme au Népal. Quand tu nous cherches, on est pas là. On se retrouve pour le Roland Gamos. Alors le Roland Gamos, qu'est-ce que c'est? Je vais tirer un artiste au hasard parmi une petite liste d'artistes. Et chacun notre tour, on doit trouver un artiste avec lequel le précédent a réalisé un feat. Exactement. Si un de nous ne trouve pas, il est éliminé. Je tire un autre rappeur et on continue jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais tirer un petit rappeur au sort. Qui est-ce qui commence? C'est la question. Hugo, souhaites-tu commencer? Commençons. Je commence. Okay. Et je dirais Leto. Ah ok, tu choisis, ça marche. Ça commence directement. Okay, c'est parti. Okay. C'est parti. Donc Roman, à toi. Leto avec Guy de Bezbar, le coco de Jojo. Guy de Bezbar et Hamza. Hamza SCH qu'on a écouté tout à l'heure. Mm-hmm. C'est très fort. SCH Nino. Bien vu, je me disais, est-ce que ça existe? C'est vrai, bien c'est sûr, il y en a deux, je crois. Bien sûr. Ouais, ouais. Nino et Capoin. Ma cité a craqué. Et oui. Waouh. C'est dur, là. Bah, moi, je crois qu'il a fait que ça comme feat. Non, j'en ai un. Il a sorti un album il y a pas longtemps. Ouais, t'en as un. Moi, j'ai un son de Capoin, mais tout seul, alors. Ouais, du coup, ça marche pas. Il a sorti un album il y a pas longtemps, et dedans, il... dans cet album, il y a un son sur les attentats. Ah ouais? Ouais. Ah bah j'ai pas. Les gars, je crois que je vais vous laisser ici, moi. Je vous lance sur un nouveau rappeur. Je trouve que c'est pas mal. C'était dossé, du coup, ouais. Pour ceux qui se demandent qu'à point okay. Choix de vie. Ok, ok. Je sais pas pourquoi j'aurais dit ça. Elliot, qui a fait un feat avec Captain Roshi? Gradure. Tout à fait. Est-ce l'enfoiré? Gradure, est-ce l'enfoiré? Gradure, est-ce l'enfoiré? Ouais, ça marche. Est-ce l'enfoiré? Est-ce l'enfoiré avec Vald? Le projet commun? L'addition. Horizon vertical. Vald avec Lefa. Lefa Beach. Ouais. Mais du coup, Lefa et Maska. Oh. Voilà là. Vas-y, on peut partir là-dessus. Hein. Facile. Hein. Maska avec Barakadama. Mmh. Ah, moi je suis pas sûr. Hein. Je vais vérifier au cas où. Bah, la section d'un soin. Et bah, ça marche. C'est le son téléphoné. Bravo. Bah, Barakadama, Black M. Black M, Shakira. Ah ouais? Ouais, il y a un vite Black M Shakira. Mais non, je savais pas. Si, si. T'aurais pu dire Kev Adams en plus. Ouais, bah, j'ai hésité à Aladdin, le prince de Bagdad, mais ah oui. Finalement Shakira. Attends, Shakira. Attends, t'es un peu embêté là. Ah, mais du coup, là, on part sur Shakira. Shakira. Ouais. Shakira, comme Shakira ça. Fit. Il y a un Shakira Beyoncé? Oui. Ouais. Ouais. Ok, nickel. Il y a Shakira Beyoncé. Du rally dans les oreilles, c'est fort. Et là, oui. On peut retourner sur le rap en vrai. Non oui, large. Oui, bien sûr. Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé, Jay-Z. Exactement. Bien joué. Jay-Z, Kanye West. La petite passerelle pop culture. Kanye West avec John Legend, je crois. John Legend, je ne sais même pas qui c'est. Ça va? Ah ouais. Je sais pas qui il c'est. Il a fait des quelques sons bien connus qui passent en radio. Donc très on va partir sur John Legend, Eminem. Il me semble que c'est un remix. C'est pas un vrai son. Malheureusement, il n'y a pas de feat. Eminem, non, John Legend, désolé. GG. Et bah, il reste les deux petits Coco Jojo derrière là. Et bah, le Coco Jojo. Je vais vous envoyer sur Gunna. Bah, Young Thug. Future. Travis Scott. Travis Scott avec Justin Bieber. Justin Bieber avec The Kid LAROI. Oh! Oh! Dans The Kid LAROI avec Post Malone? Oui, ça existe. Ok. C'est fort. Bah, Post Malone et 21 Savage. Ouais. Bien vu. Okay. Rockstar. 21 Savage et Les Migos. Les Migos et Drake. Là, tu peux bien finir Drake, à mon avis. Ah, Drake, je connais pas assez en vrai, mais. Pareil. En vrai, il y a un son sur Scorpion, c'est Drake Michael Jackson. C'est vrai. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est Michael vrai, Jackson. Mais bah, il a fait des featuring, Michael Jackson. Je crois qu'il y a un featuring avec Gradure. Que... Ouais, vraiment, je pense. Il y a un featuring avec Us l'Enfoiré de Michael Jackson. Amy Winehouse. Mais ouais. C'est... Ouais, je. Aucune idée. Je crois que c'est pas la même. S'il y a des stems ou quoi, c'est même pas la même. C'est pas la même génération, je crois. Donc peut-être. Je dis juste ça parce qu'ils sont tous les deux morts. Ouais, ouais, voilà. Ouais, je crois que ça existe pas. Hein. Non, mais je sais même pas si Michael Jackson a fait des feats. Tu sais que moi non plus, hein, je sais même pas s'il y a un feat de Michael Jackson. Oh, mais ouais, non, j'ai regardé en fait, je connais Amy pas Winehouse, tout, mais... Michael Jackson, ça n'existe pas. Et bah bravo. GG. Merci, merci. Roman. Bien joué. C'est plaisir. Roman qui gagne le droit de donner le droit à Hugo de faire une chronique. Merci. Je le fais maintenant tout de suite. Magnifique. On va lancer la playlist. C'est parti. Life. Peter Park, c'est Life. Life, ouais, Life. Vu. GG. Merci. Ça c'est un petit banger. Ah, un gros banger. Ouais. Énorme banger. Énorme banger. C'est ça, un petit peu pour le plaisir. Et bah bravo, ouais. Merci. GG. Life, yo. Life, change ma life, yo. Ah, mais en plus, ça met du Bouchy alors que t'enchaînes sur Bouchy. C'est magnifique. Bah oui, ça. C'est exactement ce qu'on attendait. On dirait vraiment que c'était scripté là. Bah oui, par contre, vraiment pas scripté, mais c'est incroyable. On te laisse commencer sur Bouchy, c'est parti. Alors, Bouchy, c'est un rappeur français, il est né à Lyon. Tout d'abord, il nous sort la Saturn Tape en compagnie de Mussy, un de ses amis du collège, et avec qui il formera le groupe Saturn Citizen. Un peu après, il nous sortira la Bouchy Tape 1, et dessus, on va retrouver des gros sons qui l'ont fait bien connaître, comme Obito. Oh là là. Le classique. Ah oui. Le top carrière. Ensuite, il rencontre son ami Azur qui intégrera le groupe Saturn. mais malheureusement ça se passera pas super bien, ils vont se séparer plus tard et ils auront pu que produire la Saturn Type 1, contrairement à la Saturn Type 2 qui sera uniquement Mussy, le premier membre du groupe avec Bushy. On retrouve cette année Bushy sur les 11 rappeurs à suivre aussi de Bouscapé, je trouvais que c'était sympa de le dire. Ouais. Même s'il est là depuis un petit moment, c'est déjà un petit... une petite reconnaissance en plus. Exact. On le retrouve avec son frérot Capri. Exact. Dans les 11 rappeurs. J'ai bien aimé la performance, je sais pas ce que vous en avez pensé. C'était bien, bien par rapport au reste du casting. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, j'ai bien kiffé. Je crois qu'il y avait Sola Lune aussi, non? Sola Lune, La Fève. Hein. Ouais. Moi, Menace Santana. J'avais bien kiffé Menace, moi. Ça, c'était ouais, bien lourd. Ouais, ouais, ouais. Il y avait qui d'autre? Il y avait Lesram aussi. Ouais, ouais. Lesram, etc. Et Zamdan. Ils sont pas trop trompés cette année. On sait que Bushy s'est pas mal développé grâce à LZ. Du coup, Lyonzon, un groupe de rappeurs, un collectif de Lyon où il y a plusieurs rappeurs. Maintenant, ils sont beaucoup moins, mais à l'époque, c'était vraiment une vibe. Ouais. Une vague de nouveaux rappeurs un peu new gen. Il s'est révélé dans ce groupe finalement. On a retrouvé des bons couplets comme sur Ara 3. Il y a un énorme freestyle de tous les membres du groupe. Chacun pose un couplet et il arrive, il rentre en premier sur le son et il tue ça. Je peux mettre l'extrait si tu veux. C'est parti. J'allume un club, ouais. Charlie Chaplin avec un Glock. Marchant dans tout le monde, ça pop. Pull up donc préviens tes potes. Pull up pour niquer des putes. C'est quoi dans ma fessée de la crotte de chaman qui te fait coller du cul. Ça tabasse, hein? Ouais, ça tabasse. Après, il continue sa période LZ, il développe une esthétique un peu très américaine, très dans tout ce qui est un peu Migos, Travis Scott, tu vois. Une inspiration américaine. Ouais, ouais, c'est vrai. On va voir ça dans son nouveau projet sorti le 25 février dernier, la Bushy Tape 2. Dedans, on retrouve des sons comme Big Ben, par exemple. Ouais. Aussi. Si tu peux passer un petit extrait. C'est parti, on s'envoie Big Ben tout de suite. Let's go. Je crois en quoi, je crois en qui? C'est moi la bite, crois pas que tu m'enquilles. T'en chopes un scroot au ralenti. J'suis pas méchant, mais j'suis pas gentil. Des taches de sang sous mes choux, j'les change. Ces fils de pute en rap, j'les mange. J'connais des pétasses plus sales que le gang. Ouais, ouais, c'est énervé, super, hein. Lourd. Et faut savoir que ce son est produit par Wanda Girl. Et 808 Melo aussi. Et 808 ouais. Melo. Le producteur, le producteur de Pop Smoke. Pop Smoke. Ça m'a choqué. Il a fait Dior, ouais, ouais, ouais. Welcome to the Party, la plupart des gros sons de Pop Smoke. Et si on tend l'oreille, on remarque un peu cette patte artistique dans la prod. Ouais, c'est fou, je pensais pas du tout. Vraiment, il y a des grosses connexions entre Bushy et l'Amérique. Peut-être il va ouvrir un peu les. Justement, comme on en parlait la dernière fois, les minds. Ouais, oui. Ouais, ouais. Et en plus, il y a un son qui est produit par DJ Durell. Le DJ Durell. DJ Durell, c'est Parachute qu'on écoute. Ah, un oui. On écoute un extrait et bah voilà. Si tu veux le passer. C'est parti. J'adore ce son. Parachute, le DJ Durell qui est le DJ des Migos. Exact. Faut le savoir, c'est vraiment quelque chose. Il a produit quasi l'intégralité de leur carrière. Exact. Il a été retrouvé sur pas mal de sons aux États-Unis et évidemment sur des sons des Migos. Donc on écoute ça tout de suite. DJ Durell. J'ai la coupe à personne, peut-être qu'on a percé. On dirait que je suis dans un film de Wes Anderson. C'est des requins, j'avoue, c'est des requins. Mais moi je suis la baleine, impossible qu'on m'arponne. Du moment que ça va vers le haut, j'ai pas compté. Petite anecdote. J'ai vu très récemment une photo de Quavo portant du merch de Bushy, je crois. À sa proquie aussi, je crois. Ouais, j'allais, Proquie. J'allais en venir justement. Il commence à se faire une place, en tout cas à se faire connaître par les rappeurs américains. Ouais. On a vu à sa proquie avec du merch Saturn Citizen. C'est vrai. Et Quavo récemment des Migos. Tout à fait. Du coup, ça fait plaisir en vrai. Ah, c'est vraiment très cool, plaisir. Voir une reconnaissance des Américains, ce qui arrive très peu pour les rappeurs français. Et puis c'est super sympa qu'ils se connectent entre eux. Les membres des Migos et Bushy, c'est très sympa. Ça pourra donner lieu peut-être à des feats bien cool entre Quavo peut-être et Bushy. Ah oui, pourquoi pas. Moi j'y crois. On a déjà un Hamza Offset, alors pourquoi pas. Oulala. On n'est pas si loin d'un Quavo Bushy. D'ailleurs, celui-là, le jour où il sort celui-là. On l'attend. Ça va pull up dans la trap house ce jour-là. Ah oui, oui. Vous n'y couperez pas. Pour revenir au sujet d'avant sur les samples, Bushy a aussi samplé Mistral Gagnant de Renault. On peut écouter ça de suite. Le son s'appelle Mistral. Bébé, je peux t'emmener dans tous les pays. Incroyable. Je trouve qu'il a une aisance absolument impressionnante sur ce son. On démarque son flow surtout par il surfe sur la prod en vraiment. Fait. Il reprend à chaque temps pour bien finir son couplet, et ça c'est incroyable. Ah ouais. C'est j'aime beaucoup. Moi aussi, franchement, de plus en plus. Moi j'avais du mal à l'apprécier au début. La première fois que j'ai écouté Mistral de Bouchy, je me suis dit, oh non, pas dingue et tout. Ouais, on dirait qu'il rappe pas longtemps, etc. Mais c'est très très bien fait en fait. Ouais, ça se réécoute super bien. Moi je me rappelle Tara, qui est un ami à nous, qui l'écoutait beaucoup. Fait écouter, moi j'avais pas trop accroché au moment là, mais à force d'écouter, bah tu te prends le truc en vrai, hein. Tu te prends la vibe du. Ouais, du exactement. Gars, ça marche bien. SO Tara en tout cas. Voilà. À la réécoute, oui, c'est très très très lourd. J'ai déjà vu, si on le retrouvera sûrement dans le futur, très loin, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ce mec a de l'avenir, c'est moi qui vous le dis. Cette personne a de l'avenir, on espère le voir très loin. En featuring avec des stars américaines, porter les meilleurs saps. Et peut-être. Boucher, ça croquait un jour. Hein. Peut-être un jour dans la Trap House aussi. Allez, petit freestyle. Bouchy dans la Trap House. Et attention. Et oui. Et bah, merci Hugo pour cette petite chronique sur Bouchy. T'es bien, c'était cool. C'était cool. C'est un artiste que j'aime bien. Moi aussi. Et. Freaky. Je sais pas pourquoi, c'est toujours quand je parle. Bah, écoute, je crois qu'il t'apprécie beaucoup. Voilà, Freaky ne coupe que moi. Voilà, Freaky apprécie beaucoup Elliot. Du coup, il y a un début. Ouais, c'est ouais, ça. Et nous, on n'a toujours pas de point, Dylan. Aujourd'hui, j'ai un point sur rien du tout. Aucun point sur aucun concept. Je suis claqué. C'est parti, on lance un son dans la playlist. Énorme malaise dans le studio, tout le monde se regarde dans le blanc des yeux. Personne n'a le son. Ça a l'air très doux, en tout cas. Ben, c'est super doux. C'est alors, attention, c'est Laylo, mais pas Laylo. L'artiste français. C'est Lay Espace Laylo. Exactement. Ça passe bien. Le son est cool, hein. C'est vraiment cool. Les petites découvertes. Malheureusement, personne n'a le son, donc je propose qu'on skip au prochain. C'est parti. C'est parti. Allez. La fève. La fève. Layla Outro ? Non. Non, c'est ça. Exactement. Let's go ! Exactement. Bien joué, bien joué. Exactement. Bravo, Elliot. Bravo. Merci, merci, les gars. Et bah, les mecs, je crois que vous avez tous un point. Ouais. C'est et ça. Oui. Mais oui. Je propose que pour clôturer, on refasse un dernier tour. Je vous laisse participer, vous trois. Moi, je m'exclus du concept. Et je vous laisse vous départager sur ce dernier son. C'est pas J9 ? C'est le plan J9. Exact, bravo. Alors là. Ah non, Hugo est sur les chapeaux de roue. Hugo, non. Il est inarrêtable aujourd'hui. Il est sur les chapeaux de roue. Dis-nous, mon grand, qu'est-ce que tu voudras passer en fin d'émission ? C'était pas censé arriver jusque-là en fait, tu vois, l'argent, je gagne pas. Ton son du moment là, celui qui te met bien là quand Ah, celui qui me met bien là ? Celui quand tu l'écoutes, tu fais. Ah, oh, ça c'est mon son. Je dirais NSI de SO La Lune. Allez. De SL Crack en featuring avec SO La Lune. Ok, c'est fort. Bah, c'est parti, c'est noté pour la fin. Juste avant de finir sur le son d'Hugo, c'est parti pour Gunna feat 21 Savage. Thought I was playing. C'est parti. It's been hell chopper Willis, it's an AK in my hand. These boys a bunch of pussies, they no different than a trend. I bought the block out on the land, split it with my twins. I set the bossy what I'm saying, you know what I'm saying. What the fuck these niggas thought that I was playing? I don't know what the fuck these niggas thought. What the fuck you pisses must have thought that I was playing. Must have thought he couldn't get caught, they buried that boy in the sand. Damn. Wipe that little bitch noses, only cost a couple of grand. Yep. By now he ever stole, I'm chopping off his hands. Hot like a stove with a pot on the pan, we taking over the land. I can come chop a few blocks up again, nigga can't wait to come spin. I'm out of the way where they pulling me in, him about to come at the scene. I took a little loss, now I'm here for the win, niggas don't want me to win. I bought a new car for my twin, this shit ain't just for the trend. Nope, 63 AMG Benz. I hit the engine, I put it in sport. I'm a fish telling the spin. Call it a op, you can tell him it's up. No, I'ma want some revenge. It's been hell chopper Willis, it's an AK in my hand. These boys a bunch of pussies, they no different than a trend. I bought the block out on the land, split it with my twins. I set the bossy what I'm saying, you know what I'm saying. What the fuck these niggas thought that I was playing? I don't know what the fuck these niggas thought. Grave digger, B4L, I'm a made nigga. 21. Say they twins, throw they body in the same river. Oh God. Never tuck my tail, I went to war with real killers. Pussy. I'm your wifey surgeon, dog, I give a lil' fillers. Pussy. SF90, cost a M. Dunk this Glock like Ye did Kim. 21. Sippin' on pimp juice, watch my brim. 21. How you a shooter, you ain't even hit the rim. Oh God. Summertime killin' the Air Force Ones. When you get the winner, I'm stepping. with my uppercut, we hit that boy in the chin. Eight figure nigga, I'ma drop out. 21. AK heavy metal rock out. 21. I'm in your hood, what you talking about? 21. Beat on my chest with my gun out. Pussy. I put a house on your head. Pussy. My money long and won't run out. Pussy. BBS diamonds the sun out. 21. We just count money for fun now. It's been hell tropical bullets. It's an AK in my hand. These boys a bunch of pussies. They no different than a train. I bought the block out on the land, split it with my twins. I said the boss, see what I'm saying, you know what I'm saying. What the fuck these niggas thought that I was playing? I don't know what the fuck these niggas thought. On arrive à la fin de cette deuxième émission de la Trap House. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va se retrouver la semaine prochaine et aussi tous les dimanches de 20h à 21h. Exact. Ça fait plaisir. Les gars, merci. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude. Moi, c'était un plaisir. Malheureusement, on a dû skip le débat parce qu'on a beaucoup trop parlé. Mais vous inquiétez pas, ça revient en force la semaine prochaine. Et voilà, on va tout de suite s'envoyer NSI de SL Crack et SO La Lune pour terminer cette belle émission. À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Bonne soirée à tous. Salut les gars. Salut. Ouais, c'est allume un joint et moi je pète bouteille de Nessie. Elle est si fraîche, elle veut me faire sortir de la street. C'est comment? J'ai déjà ramé, ramé. Là ça y est, je dois mailler, mailler. Mourir vrai comme Gustavo. Je joue pas si c'est pas pour moi gagner. Moi j'ai tout perdu. De l'oseille dans ma poche à l'amour de mes proches. Et j'ai pas visé la lune. J'ai visé la lune et je suis toujours dans le queutru. Y'a plus rien à gratter au quartier, c'est mort. Je sais pas ce que je cherchais, mais je le cherchais dehors. Y'a plus d'amis quand c'est des histoires de plata. Prends trop là, c'est je l'ai vu parler au plafond. Quand ça parle plata. Quand ça parle cash de partage. On veut la grosse part gros, on n'a pas de poteau. Quand ça parle plata. Quand ça parle cash de partage. On veut la grosse part gros, on n'a pas de poteau. On n'a pas de poteau. J'ai tendu dans les yeux. J'suis comme lui dans la soucoupe. Et ça me rend malade. J'le fais pour la maille. Pas pour les nanas. Mais elle, elle aime trop comment on fait. Là c'est le crack et là là. J'ai le temps. J'fume tout le temps, ouais, j'vois tout le temps. C'est les mêmes têtes postées tout le temps. Plus le temps, plus de potes. J'fume tout le temps, j'vois tout le temps. C'est les mêmes têtes postées tout le temps. Je dis, je m'abîme. Si je me ramenais moi près des pyramides, oh non, c'est mieux la nuit. Pété dans l'allée, j'ai vu défiler les faux dans le noir. Zipine l'agent, j'enroule un. Bic, sa mère ramène l'argent. Pour une autre vie. L'humain est mauvais. Ma couleur c'est un mobile. Et même pas car je suis pas modelable. Et parce que j'ai jamais parlé au diable. C'est les beaux-arts, c'est bizarre. On vient dans la maison pour bousiller tout ça. C'est que crasse et le checker. Et deux, trois poteaux pour bien goupiller tout ça. C'est les beaux-arts, c'est bizarre. C'est tendu dans les zones, je suis comme lui dans la soucoupe. Et ça me rend malade. Je le fais pour la maille, pas pour les nanas. Mais elle, elle aime trop comment on fait. Là c'est le crack et là là. Plus le temps, plus de potes. J'fume tout le temps, ouais, j'vois tout le temps. C'est les mêmes têtes postées tout le temps. Plus le temps, plus de potes. J'fume tout le temps, j'vois tout le temps. C'est les mêmes têtes postées tout le temps.